The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Where? Où? To be. Être. At. À. Need. Le besoin. Isn't it? N'est-ce pas? Now, a bit faster. Isn't it? N'est-ce pas? At. À. Where? Où? At. À. Where? Où? At. À. Where? Où? Need. Le besoin. Isn't it? N'est-ce pas? Where? Où? Now, use the words in context. Où? Where are you? Où es-tu? Être. I am Canadian. Je suis Canadien. À. I'm going to Beijing. Je vais à Pékin. Le besoin. I need your help. J'ai besoin de ton aide. N'est-ce pas? You want to leave, don't you? Tu veux partir, n'est-ce pas? Être. I am Canadian. Je suis Canadien. Le besoin. I need your help. J'ai besoin de ton aide.